tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, pourquoi le zoo ? Une série de Myriam Prévost réalisée par Anne Pérez Franchini. Au départ de cette série, il y a des souvenirs d'enfance à regarder mâchouiller les pandas ou à frissonner devant les loups, en se disant qu'on voyait peut-être les derniers de leur espèce. Alors pour commencer, les personnages. Des soigneurs qui couvent, des enfants qui trient, des vétos aux petits soins, une historienne qui ouvre le débat, un directeur hors norme, un autre qui doute, toujours Nénette et un sauveur de vautours. Ensuite, le décor. Des naissances, des déguisements d'oiseaux, des sauvetages, l'imprégnation, un voyage en Inde, des panthères, des neiges, des ibis rouges, des bonnes résolutions et la captivité. Aujourd'hui, 3e épisode, les enfants sont méchants. J'aime bien tous les animaux. J'aime bien les pandas rouges, j'aime bien les wallabies. Tous les animaux, ils sont mignons, sauf les animaux qui sont pas beaux, comme les cacatoès noirs. Ou les tapirs malais. Voilà. C'est des tout petits yeux et une grande trompe qui tombe comme ça. Ça ressemble un peu à un fourmilier. Sur l'Arche de Noé. Un documentaire de Myriam Prévost, réalisé par Anne Pérez Franchini. On oppose des chapelles qui ne sont pas opposables. On a besoin de se préoccuper de tout. Et là, on arrive aussi à un débat qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années et qui continue, qui est une notion dont maintenant tous nos concitoyens ont entendu parler, qui est la notion de triage. À savoir, est-ce que face à une situation d'urgence, comment nos collègues médecins décident d'attribuer des soins lourds à un patient plutôt qu'aux 5 qui sont derrière? Est-ce qu'on sauve les 5 et on perd le premier s'il est déjà dans un état difficile? Et les médecines de crise, les médecines de guerre, etc., ont des règles éthiques, pratiques et techniques pour définir ça. Et donc il a été proposé, il y a quelques années déjà, d'appliquer le même genre de choses pour la conservation, en disant, on a une enveloppe budgétaire globale limité sur la conservation, donc on ne peut pas tout faire avec ça, on ne va pas pouvoir tout sauver. Donc faisons le meilleur usage de ces sommes limitées et avec ça, voyons ce qu'on peut sauver au maximum. Et puis si on perd des choses, on perd des choses. D'une certaine manière, c'est à la fois techniquement sain de se poser cette question-là, mais d'un point de vue éthique, la grosse différence qu'il y a entre nous, conservationnistes, et les collègues médecins de crise ou de catastrophe ou de guerre, c'est qu'a priori, les médecins sont strictement pour rien dans le format de la catastrophe ou de la guerre. Ils arrivent avec des moyens limités et ils font ce qu'ils peuvent pour sauver les patients. Dans le cas de la conservation, là, on se retrouve encore une fois avec des sociétés humaines qui impactent leur environnement, qui foncent dans le tas, si je puis dire, et qui détruisent massivement de la biodiversité autour d'elles. Et ces sociétés humaines disent, on attribue un pourcentage ridicule à se préoccuper du reste du monde. Et on demande aux conservationnistes au sens large, gestionnaires, acteurs, chercheurs, etc., de faire le tri de ce qu'ils vont sauver avec ça. Nos sociétés doivent se poser la question de la relation qu'elles veulent avoir avec le reste du vivant, parce que, effectivement, le fait de dire on a une enveloppe limitée pour la conservation et on va faire le tri de ce qu'on va sauver avec cette enveloppe limitée, c'est potentiellement pas recevable si on prétend envisager autrement nos relations avec le reste du monde. Il y a deux catégories d'animaux. Il y a les beaux et les moches. On peut dire aussi les charismatiques et les insignifiants, ou les mignons et les repoussants. Bref, les gros et les petits. Dans sa course pour le contrôle du monde, l'être humain en est venu à porter plus de considération envers la première catégorie. Ces animaux-là, parce que plus visibles, sont là pour nous rappeler que c'est nous les puissants et qu'en conséquent, nous avons aussi le pouvoir et le devoir de les protéger. Ils bénéficient donc de nombreux programmes de conservation, que ce soit ex situ, donc hors de leur milieu naturel, c'est-à-dire souvent au zoo, ou in situ, dans leur milieu naturel. La deuxième catégorie, les animaux moches ou insignifiants, est de fait moins étudiée, car elle attire moins de chercheurs. On en sait moins sur l'état actuel de leur population, bien que l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, tente aujourd'hui de les faire bénéficier de nouveaux programmes de recherche, au même titre que les animaux de la première catégorie. Rappelons que ces animaux, que ce soit de la première ou de la deuxième catégorie, n'ont rien demandé de toute cette agitation humaine les concernant. et je ne crois pas que quiconque ne leur ait posé la question. Mais c'est une autre histoire. Le sujet ici, c'est la conservation dans les eaux. Parce que c'est une des principales missions affichées par l'institution. Être un lieu de reproduction et de conservation des espèces menacées d'extinction. Autrement dit, un réservoir génétique où puiser en cas de déluge. Une belle idée, mais qui laisse parfois perplexe. Comment ça s'organise concrètement? Comment réintroduit-on des animaux captifs dans un habitat naturel? Et est-ce que ça marche? Rien n'est moins sûr. En fait, la plupart des projets de conservation ont lieu sans l'intervention des eaux. Cependant, il semblerait que ces derniers ont besoin de la conservation pour avancer. Et quand on commence à leur poser des questions, et qu'on va au-delà du discours dédié à la communication, on est alors embarqué dans un dédale d'histoire, d'expérimentation et d'aventures scientifiques, qu'on appelle plus communément « projet de conservation ». Je crois que le soigneur, elle ne va pas être loin. On l'entend hein, tout de suite, il y a un petit peu d'agitation. Aurélie Guéry, les oiseaux sont à voler autour de nous, chargée des relations presse au bioparc de Douai-la-Fontaine. Faites attention parce que si vous approchez trop près, le micro va y passer. Alors là, on est parti de la grande volière, on est arrivé dans la volière européenne. Samuel, soigneur animalier au bioparc de Douai-la-Fontaine. On voit donc en face de nous des ibis chauves, donc sur la falaise. Juste en face, vous avez ces oiseaux avec un long bec et un crâne rouge un peu dénudé. Donc ce sont les ibis chauves et ils nidifient sur la falaise, juste là où vous les observez actuellement. Là, on n'est pas encore en période de reproduction et commence tout juste à penser à faire les nids. Pour l'instant, j'ai amené, là vous voyez le branchage que j'ai amené en face, ils n'ont pas encore commencé à y toucher, mais ça ne saurait tarder. Si on fait de la réintroduction, ce sera d'abord via l'autorisation des personnes qui gèrent l'espèce, donc ibis chauve. On doit avoir des recommandations dans pas longtemps pour savoir si on laisse les oiseaux se reproduire ou non. La conservation dans les eaux, c'est d'abord la conservation des espèces menacées. Chacune d'entre elles est l'objet d'un programme d'élevage qui s'organise entre tous les eaux d'Europe et parfois du monde. Ces programmes, ce sont des logiciels de mise en commun de données sur les espèces et sur chacun des individus. Chaque programme est géré par un coordinateur qui décide et organise les reproductions et les échanges selon des critères très précis. Florine Wedlarski est vétérinaire au bioparc de Douai-la-Fontaine et elle coordonne le programme d'élevage d'une espèce de singe araignée, les attelles à ventre blanc ou attelles marimonda. Les programmes d'élevage européens ont été créés les tout premiers au début des années 80. C'était un peu une prise de conscience dans la société de la disparition des espèces dans le milieu naturel. La CITES, c'est la Convention sur le commerce des espèces, hein, ça s'est mis en place en 1974, où on a arrêté de prendre des animaux n'importe comment dans la nature pour les mettre dans des eaux. On s'est rendu compte que les milieux disparaissaient aussi et que ça avait un impact sur les populations sauvages. Et les eaux, à peu près en même temps, se sont rassemblées en associations et ont mis en place ces programmes d'élevage qui, au départ, visaient à dire, bon, on arrête de prélever dans la nature. Et maintenant, les eaux, ça va être un peu un sanctuaire pour les animaux. C'est-à-dire qu'on va garder nos animaux qui sont en captivité. Et pour les garder de façon viable, il fallait un suivi scientifique des populations. Donc c'est comme ça qu'ont été mis en place les programmes d'élevage. Les premiers, c'était l'okapi, le bison d'Europe, donc des mammifères un peu emblématiques. Puis petit à petit, ça s'est diversifié avec des oiseaux, avec des amphibiens, des mollusques. Hein, un programme d'élevage sur une espèce d'escargot, par exemple. Et maintenant, c'est OK, ces populations-là, il faut aussi qu'elles servent à quelque chose. Et donc chaque programme d'élevage va définir en fait quelle est la finalité de ces animaux captifs, donc sous différents axes qui vont être la sensibilisation du public pour montrer aux gens que déjà ces espèces-là existent. Une fois on voit dans un livre d'images, on voit un singe, mais quand on le voit se déplacer dans les arbres, ça touche différemment les gens, hein, ça, tout de suite une autre approche. C'est des populations qu'on va utiliser également en termes de recherche. On n'est pas dans des laboratoires, hein, mais c'est mieux comprendre comment ils vivent, en termes social par exemple, quand on parle de primates, en termes d'alimentation, aussi connaître les maladies qui pourraient nous aider potentiellement à agir sur des problèmes qu'on rencontrerait dans la nature. Et puis, évidemment, la finalité dont tout le monde rêve, c'est d'avoir des animaux susceptibles d'être réintroduits dans la nature. Et ça, ça vous semble utopique ou viable, cette dernière mission? Utopique, non, puisque ça s'est déjà fait. il y a des programmes d'élevage qui ont réintroduit. Donc on parle beaucoup du cheval de Przewalski, il y a le tamarin lion, il y a nous ici au bioparc, on participe à la réintroduction de plusieurs espèces, le vautour fauve, le vautour moine, l'ibis chauve. On a fait de la réintroduction de grues de Mandchourie également dans le passé. Donc les programmes de réintroduction, il y en a qui existent. Après, c'est vrai que pour certaines espèces, c'est encore très compliqué parce que déjà pour pouvoir réintroduire un animal dans la nature, il faut qu'on ait un endroit. Et si la principale menace là-bas, c'est la destruction de l'habitat, la déforestation, si vous ne réglez pas le problème de base, ça ne sert à rien. Votre animal ne pourra pas survivre correctement puisque son milieu sera détruit. Donc il y a énormément de travail de fond à faire pour restaurer les habitats, pour sensibiliser les populations locales, pour aider les populations locales souvent. Parce que quand elles détruisent des espèces animales, c'est soit par méconnaissance, soit par conflit, compétition. Ça peut être avec un prédateur qui mange le bétail, ça peut être avec un herbivore qui vient manger les cultures, ce genre de choses. Ou ça peut être par besoin, par exemple alimentaire. Ils vont chasser pour se nourrir. Ils ont été élevés avec leur mère ? Oui, ils ont été élevés par les parents. Juste ici, là, ils sont nés là, ils ont été élevés par les parents, donc dans les nids, sevrés par les parents, et après ils ont évolué dans la volière jusqu'à donc il y a une semaine. Quand on fait des réintroductions comme ça, on ne doit pas prendre les jeunes avant qu'ils soient sevrés, forcément. Et donc là, ils ont eu le temps d'apprendre à récupérer, en gros, à voler, à se nourrir, etc. La différence qu'il va y avoir, c'est simplement en termes d'alimentation. Donc on va d'abord les mettre dans des volières afin qu'ils puissent appréhender leur milieu. Et ensuite, ils vont être relâchés dans un groupe déjà établi dans le milieu naturel qui, eux, vont les guider afin de pouvoir se nourrir d'une nouvelle façon. Ils vont toujours manger des petits mammifères, ce genre de choses, sauf que là, ils vont être vivants. Donc à eux de regarder un petit peu les autres pour se débrouiller. Mais du coup, pourquoi, en me documentant sur les réintroductions d'oiseaux, je trouve que des exemples de jeunes élevés à la main par les humains qui, des fois, même se déguisent en oiseaux En fait, ils se déguisent en oiseaux pour que l'imprégnation soit minime. C'est-à-dire qu'ils se déguisent en oiseaux pour que l'animal ne voit pas l'homme comme son père ou sa mère et qu'il en ait peur, du coup. Oui, mais pourquoi vous ne faites pas ça du coup ? Pourquoi il y en a certains qui font ça et qui ne les laissent pas juste être élevés par leur mère ? Alors, soit parce qu'ils veulent en élever plus. Dans ce cas-là, vous voyez, là, les ibis vont pondre une première fois. Donc, vont pondre deux œufs, admettons. On va récupérer les œufs, les mettre en incubateur. De cette façon-là, l'oiseau, quand ça se passe dans le milieu naturel, soit un prédateur prend les œufs tombent du nid ou ce genre de choses, ils vont faire une ponte de remplacement. Donc une seconde ponte. Donc là, la première ponte va être mise en incubateur et élevée peut-être par les soigneurs. De cette façon-là, on va avoir plus d'oiseaux produits, entre guillemets, pour de la réintroduction. Donc peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles c'est élevé à la main, ou alors l'autre raison, c'est qu'on peut avoir également des couples qui n'élèvent pas, qui sont des mauvais parents. Ça peut être l'autre raison. Concrètement, élever à la main, c'est prendre un petit risque d'avoir des oiseaux, effectivement, qui ne seraient pas aptes à être réintroduits. Là, on a un très bon groupe, où il y a une bonne reproduction, les couples sont bien formés, la construction de la volière est telle qu'ils sont assez éloignés de la zone publique et du coup ils ne sont pas imprégnés par le public. Je vous garantis que quand on va attraper les jeunes, faut faire gaffe parce qu'ils pincent, etc. Et donc vraiment, il n'y a aucun souci, il n'y a pas d'imprégnation. Donc on n'a pas de soucis, on ne veut pas être productif, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de récupérer beaucoup d'ibis parce que concrètement, la réintroduction petit à petit marche correctement. Et à mon sens, l'élevage par les parents sera toujours mieux qu'un élevage à la main. Vous attendez un peu l'aval, si j'ai bien compris, du coordinateur pour savoir s'il voulait laisser se reproduire cette année. Mais comment on les empêche de se reproduire ? Comment on les empêche ? Par exemple, on peut, cela pour, en l'occurrence pour des pontes, je peux soit enlever les œufs et mettre des œufs en plâtre. Comme s'ils avaient, comme dans le milieu naturel, parfois on peut avoir des œufs clairs. Vous savez, ce sont des œufs qui ne sont pas fécondés. Parfois j'ai des couples où je vois qu'il n'y a pas d'éclosion. Je vais voir, en fait, ils sont toujours en train de couver parce que les œufs ne sont pas, n'ont pas éclos. Et au bout d'un moment, la femelle ou le mâle va partir naturellement parce qu'il a compris que l'incubation étant d'une trentaine de jours, et ben ça fait 40 jours. Là, il n'y a rien qui se passe, ben on arrête. Et comment vous savez, parce que vous avez quand même plusieurs ibis, comment vous savez qui s'est reproduit avec qui ? Chaque individu a une bague qui fait à peu près 2 cm de long, qui a une couleur particulière avec 2 voire 3 lettres particulières ou des chiffres. Donc on va avoir, là j'ai le plan de toute la falaise, avec tous les nids qui sont numérotés, et par nid, j'ai les couples qui vont y être avec le nombre d'œufs qui va correspondre. si un parc veut des attelles Marimonda, ils vont me contacter. Donc moi, je vais leur dire, ben voilà, il faut au moins un espace de cette taille-là, on recommande ces aménagements-là. Et puis ensuite, chaque année, il y a une analyse complète de la population. Donc chaque parc rentre ses données dans un logiciel informatique international qui nous permet d'analyser cette population en termes de démographie et de génétique. Et je suis entourée d'un ce qu'on appelle un species committee, un comité d'espèces, donc d'autres spécialistes, d'autres personnes qui ne travaillent pas dans les zoos, mais qui travaillent avec cette espèce. Et donc, on va réfléchir ensemble sur ce qu'il est le plus opportun de faire en termes de création de groupe, de couple, quel animal devrait le mieux reproduire avec quel autre. Et puis, on va créer un nouveau groupe dans ce parc-là parce que, voilà, génétiquement, ils sont très compatibles et que les installations nous permettent de créer un groupe de cette taille. Et concrètement, comment vous connaissez le capital génétique de chaque individu ? On va dessiner un arbre généalogique, ce qu'on appelle un studbook. Donc, les attelles, ça va parce que c'est des animaux qui vivent très longtemps et qui ont peu de petits. Donc finalement, c'est assez, voilà, il faut remonter dans des archives qui datent d'il y a 30, 40 ans, mais on peut assez facilement remonter à des animaux qui ont été capturés dans la nature. Donc pour les attelles, c'est quelque chose qui est faisable. Quand j'ai récupéré le studbook, j'ai contacté même des parcs au Canada, aux États-Unis, puisque c'est de là qu'avaient été importés les premiers animaux qui sont arrivés en Europe, pour avoir l'origine et jusqu'à remonter en fait à un marchand qui vendait des animaux aux zoos. Et là, on considère qu'à partir du moment où on arrive là, il y a des grandes chances que ces animaux aient été capturés dans la nature. Et on considère, pour notre calcul génétique, que tous les animaux qui ont été capturés dans la nature sont génétiquement distincts. Et à partir de ces individus-là, qu'on appelle les fondateurs, ben, normalement, on peut avoir toute notre généalogie. Donc chaque animal va avoir une valeur qui correspond à la valeur de son patrimoine génétique. L'objectif du programme d'élevage étant d'avoir donc nos fondateurs, donc une diversité génétique de base, et de maintenir exactement la même diversité génétique. C'est-à-dire sans perte, sans déviation génétique, ce qui est très très compliqué, hein, parce que bah, y a des animaux qui vont reproduire plus que d'autres ou moins que d'autres. Il y en a des fois, on va promettre des couples, mais ça, ils ne vont pas se plaire, donc ça ne va pas marcher. Parce que, voilà, il faut aussi jouer avec les préférences des animaux. Hein. Il y a ce que nous donne l'ordinateur sur le papier. Ah, ceux-là, ils sont parfaits. Et puis dans la réalité, bah, ils ne s'aiment pas, ils se tapent dessus. Bon, bah, il faut les séparer, puis on va en prendre d'autres. Et donc chaque année, en fonction des animaux qui sont morts, des animaux qui sont nés, on réévalue ces chiffres-là. L'idée, c'est de garder voilà, un maximum de gènes différents et de limiter tout effet de sélection involontaire. Parce que on veut que notre population captive reste aussi proche que possible de la population sauvage. On ne veut pas avoir de dérive génétique. Forcément, effectivement, à un moment, on va avoir... Les animaux vont tous être apparentés les uns aux autres. Mais le travail du coordinateur, c'est de limiter cette consanguinité à son plus bas niveau pour que la population voilà, reste fiable et qu'on n'ait pas de problèmes, notamment de santé, choses comme ça. Alors là, du coup, c'est seulement... Enfin, les graines que vous leur avez données, ça intéresse seulement les perruches et... Les psittacidés, oui. Les psittacidés, c'est la famille de perroquets, en gros. Ce sont les seuls de la volière qui sont frugivores et granivores. Donc du coup, ce sont les seuls qui sont intéressés par ce type de ration alimentaire. Pour toutes les autres espèces... Donc là, c'est ma collègue qui a fait tout envoler. Pour toutes les autres espèces, que ce soit pour les manchots, les vautours, les ibis, on a d'autres sites de nourrissage, donc pour le poisson et la viande. Voilà, on nourrit pas toutes les espèces au même endroit. Tu peux le faire partir. Hein. Simplement, il y a un perroquet qui vient goûter à la botte. Si je peux éviter ça, c'est bien. La plupart de ces perroquets sont dits rupicoles, c'est-à-dire qu'ils nidifient dans les falaises. Je sais pas si vous voyez en face de vous les petits trous qu'il y a juste en dessous de l'herbe là-haut. Ça, ce sont des cavités qui font quoi, de 2 à 3 mètres de profondeur et qui ont été creusées par les perroquets eux-mêmes avec leur bec. Voilà. On n'y va évidemment pas du tout dans les nids. On ne peut pas y aller de par la profondeur des nids et parce qu'on justement, on fait pas d'élevage à la main. En fait, si on élève un perroquet à la main, c'est super intelligent un perroquet. Donc ça va tout simplement oublier que c'est un perroquet et rester avec les hommes tout simplement et se mettre sur mon épaule ou apprendre à parler ou avoir des comportements qui ne sont pas naturels. Et concrètement, pour une volière de cette taille, donc d'un hectare, c'est plus intéressant pour la sensibilisation d'avoir des comportements les plus naturels possibles, d'avoir des oiseaux qui volent autour de nous. Si je fais le même discours que j'ai là avec un oiseau sur l'épaule et qui a appris une phrase, mon impact est nul sur le public. Alors que là, je peux vraiment valoriser la raison pour laquelle il faut les protéger, en gros. Donc, c'est un logiciel qui s'appelle ZIMS, Zoological Information Management System, qui est un logiciel donc, international qui est utilisé dans le monde entier. Là, j'ai tous les animaux qui sont rangés, alors que je peux ranger soit par numéro de studbook, soit par rapport à leur nom, par mâle ou femelle, par leur date de naissance, par l'endroit où ils sont. Donc j'ai marqué dans chaque parc où ils sont. Donc j'ai toutes les infos. Si par exemple je veux aller voir, je ne sais pas, Amy, je vais taper sur son numéro. Qui est à Barcelone. Qui est à Barcelone, voilà. Qui est la grand-mère de notre mâle reproducteur. Et donc j'ai les informations sur Amy. Elle est encore vivante, Amy. Amy est encore vivante. Elle n'est pas toute jeune, Amy. Elle vient de, donc elle est née au Venezuela. Donc elle vient d'un centre de soins. Donc avec ses parents qui ont été récupérés dans la nature. Donc pareil, dans ma phase initiale d'enquête, moi je m'arrêtais là. C'est-à-dire qu'en 91, elle est arrivée à Odenhagen, donc il y a un parc en Allemagne. Et que a priori, elle venait du Venezuela. Et donc j'ai contacté le Venezuela, qui m'a dit qu'effectivement, ces années-là, plusieurs attelles avaient été envoyées en Europe et qui étaient tous des attelles qui étaient nées d'animaux récupérés donc dans les centres de soins. Donc c'était des premières générations, en fait, nées en captivité. Leurs parents étaient nés dans la nature. Donc ça fait partie d'un de mes animaux qui sont précieux, qui ont tout ce patrimoine génétique qu'il faut que je sauvegarde. Donc le but pour moi, sur les fondateurs comme ça, c'est qu'ils aient un maximum de descendants pour qu'ils aient donné, dans l'idéal, tous leurs gènes et que tous leurs gènes survivent une fois que l'animal, le fondateur, sera mort. Donc en fait, ces données-là ensuite vont être exportées vers un autre logiciel, PMX, qui est un logiciel de calcul. Donc lui va me faire des tableaux. Donc là, il y a tous mes animaux. Voilà, par exemple, là, j'ai la courbe de démographie de la population. Depuis, donc les premières données datent de 1964. Depuis 64, on a la population captive qui augmente, sachant que les prélèvements dans la nature se sont arrêtés autour de 74. Là, l'objectif pour cette population-là, qui est encore très petite, c'est de monter à environ 150 individus. Le double. Le double. Et on peut aller les voir, les manchots, avec vous ? On est en pleine période de reproduction. Résultat, on a actuellement, j'ai regardé ce matin, on a 11 œufs qui ont été pondus. Ce qui signifie que tous les énormément de couples sont dans les nids. Et quand on a énormément de couples qui sont dans les nids, ils mangent moins. En fait, ils ont énormément mangé avant pour acquérir un capital graisseux important. Comme ils doivent se dire qu'après, ils vont devoir couver ces œufs-là pendant un petit moment. Donc du coup, ils vont bien moins manger. Donc concrètement, en ce moment, on était à environ 21 kg pour nos 40 manchots. Et là, on est passé à une douzaine de kilos parce que voilà, la saison fait qu'ils mangent beaucoup moins. Donc on va aller voir si jamais il reste des poissons qui sont au fond, ça servira à rien, mais si c'est pas le cas, de toute façon on verra vite, hein, le comportement des oiseaux vont vite nous montrer s'ils ont faim ou pas. La question de la conservation, elle est liée, elle est inséparable de la question du zoo. À partir de 1900, plus exactement, c'est une borne, les gestionnaires de zoos vont s'investir avec différents groupements associés, des groupements de chasseurs, d'administrateurs coloniaux, dans le développement de politiques de protection de la faune en Afrique. Violette Pouillard, chercheuse en histoire des zoos, et de la conservation. Cette borne de 1900, c'est la prise de la première convention internationale au monde pour protéger des espèces. C'est la Convention de Londres pour la préservation des espèces faunistiques en Afrique. Et cette Convention de Londres va, si vous voulez, inscrire dans le marbre des voies de la protection qui nous sont demeurées jusqu'à ce jour et dont il est important de comprendre qu'elles sont non pas un donné immanent, mais un produit historique. Et en particulier le produit d'un contexte colonial et de dynamique coloniale. Et on voit naître à ce moment-là de nouveaux modes d'exploitation, notamment au profit des zoos et de nouveaux modes d'extraction que permet la Convention. Ce qui explique que vous voyez à ce moment-là, je vais prendre le cas belge avec le Congo belge, des okapis et des gorilles qui sont les animaux les plus protégés par le droit belge au Congo, exposés en masse dans les zoos à Anvers, mais aussi dans les zoos européens. C'est-à-dire que l'on va estimer alors que tuer un okapi pour sa viande ou pour utiliser ses peaux, comme il était commun par exemple au Congo avant l'arrivée des colonisateurs, les okapis étaient utilisés pour leur peau qui servait notamment à fabriquer des ceintures et des boucliers. On va considérer que ces usages-là sont ne sont pas valides, qu'ils ne sont pas légitimes, mais à travers le système conservationniste mis en place que l'exportation, par contre, d'okapi vers les centres urbains européens est un motif légitime qui relève de la protection, ou en tout cas de la bonne gestion de la faune. On voit bien toutes les ambiguïtés du zoo, hein, ce jeu constant entre l'appropriation et la protection des espèces qui, en fait, se cristallise à partir du tout début du 19e siècle. À partir des années 1960, le zoo entend cesser de fonctionner pour continuer à exister. Et le zoo va alors développer deux types de programmes, effectivement. Et c'est d'abord, le premier, c'est celui de la conservation ex situ, donc hors finalement du site des animaux, ex situ en captivité au sein des métropoles européennes. Et donc l'idée, alors, est non plus de prendre mais de redonner. Alors dans la pratique, cette idée de reproduction-réintroduction va s'avérer absolument impraticable, notamment, mais pas seulement, sous l'effet de l'anthropisation croissante des milieux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas rendre ces animaux dans des milieux qui se réduisent, et qu'en plus les animaux de zoo sont le produit d'un processus domesticatoire qui rend le retour à la vie in situ extrêmement compliqué, même si la chose n'est pas impossible. Donc l'idée de la réintroduction, elle va demeurer marginale, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas. Les gestionnaires donnent beaucoup d'exemples phares qui sont souvent utilisés. L'aspect est marginal, mais il existe. Par contre, les zoos vont développer un autre type qui est parfois d'ailleurs conjoint de politique, in situ, par lesquels les zoos vont s'investir dans le développement de programmes de conservation des animaux, in situ, dans les milieux des animaux, notamment dans les réserves et les parcs nationaux. Au début des années 80, on nous avait proposé un couple de panthères des neiges. C'était avant que les programmes d'élevage européens existent. Pierre Gay, directeur du bioparc de Douai-la-Fontaine pendant 40 ans et aujourd'hui président de Bioparc Conservation. On avait fait un tour des zoos européens avec mon père et un zoo allemand et un zoo anglais nous ont dit « On vous fait confiance, on aimerait bien vous mettre en dépôt un couple de panthères des neiges ». Et moi, ça me semblait évident d'aller voir où ils vivaient, d'essayer de comprendre comment ça... Voilà. Donc j'ai eu la chance d'aller en Inde avec une femme exceptionnelle qui s'appelait Helen Freeman et qui a créé le Snow Leopard Trust. C'était une énorme ONG américaine issue du zoo de Seattle aux États-Unis. Et cette femme a eu cette idée incroyable parce qu'à l'époque, la panthère des neiges, on savait pas ce que c'était. Et donc je suis parti en Inde avec elle et au Cachemire. Et c'était une série de visites et de conférences sur la conservation des panthères des neiges. Et elle m'a dit, quand on s'est quitté, elle m'a dit « Écoute, si un jour tu veux faire quelque chose avec ton zoo, avec ton métier, pour la nature, sache qu'on ne peut rien faire sans les communautés humaines. La nature, globalement, elle est malade de l'homme, mais si on veut l'aider, il faut intégrer cette composante humaine. Et si tu aides les communautés, c'est rien de judéo-chrétien, c'est uniquement pragmatique. Si tu aides les communautés, tu vas pouvoir obtenir des résultats. Et donc, à la suite de ça, on a commencé à soutenir un village en Mongolie, Noyen, et il y a 3 ou 4 ans, le territoire de ce village a été déclaré réserve naturelle par le gouvernement mongol. C'était vraiment un bel accomplissement. Puis j'ai eu la chance après de faire d'autres voyages qui m'ont conforté dans cette idée. Un jeune mec que j'avais aidé, qui avait fait des stages à Douai et qui était allé, lui, après travailler sur des recensements de reptiles à Madagascar, avait découvert une forêt, la plus grande forêt humide de Madagascar, protégée par une rivière à un village qui était la porte de cette forêt, quoi. Il est venu me voir avec un jeune malgache en disant « Si on aide ces villageois à mieux vivre et à vivre sans endommager la forêt qui est là, on peut sauver cette forêt. » Et donc, bah pourquoi pas ? Alors, il m'a dit « Bah là, il faut quelques milliers... » À l'époque, c'était des francs, mais il faut quelques milliers de francs et on va commencer par faire un barrage qui va permettre de réirriguer les rizières que les Français, les colons à l'époque, avaient mis en place dans cette région. Les malgaches sont des Indonésiens. Ils brûlent la forêt. Quand on brûle la forêt, il y a un aspect culturel, il y a un aspect aussi de domination sur ce terrain, puis de propriété, on la brûle, on se l'approprie, et donc ils sèment des riz qui sont capables de pousser sur le brûlis pendant 2 ou 3 ans. Et donc il m'a dit que si on retapait le barrage, ça va irriguer la rizière. L'année suivante, je suis allé voir avec ma femme, quand on arrivait, il y avait un millier de villageois qui nous attendaient au bord de la rivière, voilà, pour nous accueillir, ils nous ont emmené voir le barrage, qui n'est rien du tout, c'est-à-dire que c'est un bout de béton sur un torrent qui dévale la montagne. Et avec ce barrage-là, mes copains, là, ils ont irrigué 1000 hectares de rizières. 1000 hectares de rizières. Avec quelques milliers d'euros, c'est que dalle, quoi. ben, je peux vous dire que ça a changé ma vie complètement. Mais changé ma vie. Je suis rentré, j'étais pas le même homme. À tel point que quand je suis rentré, et je téléphone au veto du parc, il me dit, faut que tu te dépêches de rentrer, on a réunion avec l'administration, ils aimeraient bien te parler et tout. Il fallait que j'en parle, je suis le directeur, enfin, j'étais le directeur du parc, quoi. Et on a parlé d'administration, etc. Et surtout, je leur dis, je viens de vivre une expérience étonnante. Pour moi, protéger la nature, c'était mettre du grillage autour d'une forêt, un mirador à chaque coin, je caricature, hein, avec un mec et une mitraillette pour empêcher les braconniers de rentrer. Et je viens de m'apercevoir que c'est pas ça, protéger la nature, que ça peut passer par autre chose. La façon dont je l'ai raconté, j'ai senti que les gens étaient émus en face de moi. Ces gens-là qui étaient pas pour ça, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose. Et donc, là, quelques jours après, j'ai réuni mon équipe et je leur ai dit, voilà ce qu'on va faire pour les 40 ans du parc. On va essayer de trouver 40 expériences comme ça. Si ça m'a ému moi, si ça vous a ému vous, il n'y a pas de raison que ça ne touche pas les visiteurs, quoi. Et donc ça passe pas pour la publicité. Quand il s'agit de trouver de l'argent pour ça, à l'époque, il y a 20 ans, c'était 100 000 euros. Mon idée, c'était de le prendre sur la publicité, puisque cette publicité qui est très éphémère, quand vous mettez une affiche au bord de la route pour 15 jours, les gens la voient 3 jours, puis le reste du temps, elle se fane et elle attend l'année prochaine pour être renouvelée. Et donc, mon idée, c'était de réduire le budget publicité pour le porter sur les projets et essayer de fabriquer de la notoriété avec ces projets, en montrant qu'un zoo, ça pouvait être quelque chose d'utile à la nature. Ça n'a rien à voir avec une affiche que vous mettez qui peut vous ramener 200 clients le week-end suivant. Non, ça, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps à se mettre en place. Et à l'époque, j'ai eu beaucoup de chance parce que on a fait évidemment des communiqués de presse, on en a parlé, et ça a été remarqué par Le Monde et Le Figaro, et on a eu vraiment... on a eu une page entière dans Le Monde. Voilà, ça a été remarqué parce que c'est un discours qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre de la part d'un parc zoologique. Et ça, c'était toujours vers 2001. C'est en 2001, oui, tout s'est passé d'un seul coup, là, c'est parti comme ça. Alors, quand on regarde les acteurs de ces programmes, encore une fois... François Sarrazin, chercheur au Centre d'écologie et des sciences de la conservation. On a une grande diversité d'acteurs, que ce soit... Bon, pour certains, ça peut être des parcs zoologiques, mais pour beaucoup, ça va être... des associations de protection de la nature focalisées sur tel ou tel taxon ou telle région, des espaces protégés, donc des parcs nationaux. Le parc national des Cévennes, par exemple, a été un des parcs un peu pionniers sur ses réintroductions dans les années 70, dès sa création, et souvent des individualités, une ou des personnalités souvent assez fortes, parce que, encore une fois, c'est des programmes où il faut remuer des montagnes pour faire réadmettre l'idée que telle espèce revienne quand elle avait été parfois gentiment ou violemment éradiquée par les populations locales ou négligée jusqu'à son extinction. Mais des fortes personnalités, pourquoi ? Parce que c'est des programmes, comme je le disais tout à l'heure, qui engagent des fois sur une vie. Et quand ça réussit bien, on finit par oublier tous ces efforts. Quand ça échoue, on les oublie aussi et on oublie ceux qui ont mené tout ça. Et nous, on essaye justement de remettre ça en lumière pour en apprendre et s'en servir pour la suite. Vous voyez toutes les petites alvéoles qu'il y a là-haut ? Ça, ce sont les endroits où ils viennent nicher. En fait, on arrive à la fin de la curée. Donc vous voyez, ils viennent de se nourrir ici. Et donc vous allez avoir différents vautours qui vont intervenir au fur et à mesure de la curée, c'est-à-dire que d'abord ce sont les vautours fauves, ensuite ce sont les vautours moines, vous voyez ceux qui sont plus noirs. Et puis en dernier, on a un autre vautour qui vient lui manger les os. Ici, on essaye de montrer au public comment se passe une curée dans la nature, essayer aussi de désacraliser cet oiseau qui a été très craint et autour duquel il y avait beaucoup comme ça de légendes, de venir voler les bébés dans les berceaux, de tuer les moutons, etc. C'est tout à fait faux, puisque c'est un animal qui ne mange que de la viande froide, enfin voilà, des animaux morts. Qui nettoie. Il nettoie, c'est ça, c'est les boueurs de la nature. Oh, punaise. Alors, si vous avez peur des vautours... C'est impressionnant. Non, mais ça va aller, ils ne vont rien vous faire, vous inquiétez pas. Il y en a un qui vient de faire une petite danse avec ses grosses pattes. Et alors, j'observe qu'il n'y a absolument pas de grillage au-dessus. Tout à fait. Puisqu'ils ne peuvent pas voler. Ils sont handicapés, donc ils ne pourraient pas survivre. Donc, vous voyez, ici, on est à ciel ouvert. Souvent, ça surprend d'ailleurs, quand on arrive dans cet espace de 30 secondes, qu'ils ont tout le loisir de s'envoler, mais ils ne peuvent pas le faire, malheureusement. Vous avez ce petit bruit de vautour, vous entendez ? Des fois, ils sont un peu maladroits, puisqu'ils sont... certains, c'est les ailes. Vous voyez, il y en a qui ont des ailes un petit peu... qui traînent. Voilà. Alors ça, c'est les éoliennes, quand ils percutent des camions. Et les ailes, c'est très compliqué hein, chez les oiseaux, les ailes, les pattes à soigner. Il arrive qu'ils ne retrouvent pas toutes leurs capacités. Alors, ils peuvent plus voler en extérieur, par contre, ils peuvent toujours se reproduire. Donc, dès qu'on a un œuf de vautour, on le réintroduit. Donc là, on est content parce qu'on a eu un œuf la semaine dernière, de vautour fauve. On a un deuxième accouplement qui est avec un autre couple. Donc, on espère avoir un deuxième œuf de vautour fauve cette année et pouvoir l'année prochaine les relâcher en Bulgarie. On a réintroduit plus de 50 vautours fauves en France, des années 80 jusque dans les années 2000-2010. Et depuis 2010, on réintroduit les vautours dans les Balkans, en Bulgarie, puisque toute la population qui a été réintroduite en France, maintenant est autonome. Donc aujourd'hui, quand on a des petits, on les réintroduit en Bulgarie. Le premier vautour moine, il était magnifique. On le relâche dans les Cévennes avec les copains, Michel Terrasse et tout. Impeccable. Alors à l'époque, on ne mettait pas de GPS sur les oiseaux, ça n'existait pas, ils avaient une bague. Et puis il reste quelques temps dans les Cévennes, et puis elle migre en Espagne. Elle se pose en Espagne, pour se reposer, dans une ferme d'élevage d'autruches. Il y a une autruche qui arrive, qui lui font un coup de patte, qui lui pète une aile. Elle a passé le reste de sa vie dans une volière. Deuxième vautour moine, celui-là, ça a bien marché. Troisième vautour moine, on le relâche, pareil, dans les Cévennes. Il va bouffer des gants déchets hospitaliers dans le dépotoir d'Albi. Les gars le récupèrent subclaquant, ils l'opèrent, ils enlèvent les gants, ils le soignent, ils le relâchent une deuxième fois, ils retournent bouffer des gants, ils meurent. Non mais c'est incroyable quand même. On en relâche un autre, dans le Verdon, fusillo, bim, ils le flinguent. Donc celui-là, ils nous l'ont tué. Et le dernier, le cinquième, on lui a mis une balise, alors là on avait vraiment les moyens de suivre. Elle part, elle est restée quelque temps dans les baronnies, elle va se percher dans les faubourgs de Marseille, en pleine cité, on s'est dit elle est morte quoi. Elle redécolle et elle est toujours vivante. Elle est aperçue de temps en temps et là ça a marché. Oh, c'est improbable. La grosse question de ces réintroductions, de ces lâchers d'individus qui viennent d'origine sauvage ou captive, c'est de savoir comment ces individus vont supporter cette transition entre une zone dont qui n'existait pas, que ce soit en captivité ou en milieu naturel, et la nouvelle zone, comment ils vont s'y fixer, comment ils vont survivre et comment ils vont s'y reproduire. Ça, c'est le cœur de ce qui se passe au départ dans ces programmes. Et quand je dis au départ, ça peut être à l'échelle des quelques jours qui suivent leur introduction, quelques mois, voire quelques années, voire plus. Et donc, ces pertes d'individus suite au lâcher, ça, c'est quelque chose qui fait partie des difficultés. Mais à partir du moment où des individus s'installent, se maintiennent, etc., comment est-ce qu'on apprécie le fait que ce soit une réussite ou pas? On peut partir d'un point de vue très simple. Hein. Considérer qu'il y a à peu près trois phases attendues. Une phase qu'on qualifie d'installation, c'est là où va s'exprimer toutes les difficultés dues à ce qu'on a fait avec ces individus avant leur lâcher. Est-ce qu'ils ont subi une longue captivité? Est-ce qu'ils ont besoin de réapprendre beaucoup de choses sur le terrain? Donc ça, c'est la phase d'installation. Et puis quand cette population commence à avoir un noyau qui s'installe, qui se reproduit, qui est fixe, là, on peut s'attendre à une phase de croissance qui, d'un point de vue écologique, est attendue pour être exponentielle. Et on fait de l'écologie, on ne fait pas de l'économie. Donc pour nous, tout ça, ça doit trouver à un moment une limite. C'est-à-dire que cette croissance, elle va rencontrer des facteurs limitants dans l'environnement donné. Et donc on s'attend à avoir un ou plusieurs types de processus de régulation de ces populations, hein, par les ressources alimentaires, par la compétition avec d'autres espèces, du parasitisme, de la prédation, enfin on peut imaginer plein de choses. Et donc, on va voir cette population à un moment plafonner au moins localement. L'ibis chauve, c'est une espèce extrêmement menacée. Hein. Il y a quelques années, on va dire 20 ans, il en restait 150 dans la nature, en liberté, au Maroc, dans le parc de l'Oued Massa, donc c'est vraiment très peu. Et à côté de ça, il y en avait 2000 en captivité. Un projet de réintroduction a éclos en Andalousie, dans la province de Cadiz, parce qu'il y a des preuves dans la littérature, dans les parois des grottes, que ces oiseaux ont vécu là-bas. Le seul problème, c'est que s'il s'agit de lâcher des animaux de but en blanc, c'est compliqué. Des animaux qui ont l'habitude d'être nourris en captivité, il faut qu'ils passent quand même par un espèce de sas. Et donc le gouvernement andalou a décidé de ce projet en 2004, pour rendre les choses plus simples, au début, ils ont décidé de lâcher des oiseaux imprégnés, justement. Donc, on élève des oiseaux à la main. Ils connaissent l'homme avec, en portant, il y a un peu de déguisement, ils ont un casque en forme d'ibis, etc. Mais bon, j'y crois pas trop, c'est l'histoire. Mais l'idée, c'est que ces oiseaux-là puissent être rappelés le soir pour être rentrés. Donc ils ont été lâchés dans un terrain militaire, près de Tarifa, tout près du détroit de Gibraltar. On voit les côtes du Maroc en face d'ailleurs. Et on les lâche dans la journée, ils vont manger les géotrupes, les insectes dans le caca des vaches. L'hiver, quand il y a de l'humidité, ils vont manger les petits escargots, les caracoles espagnols sur les chardons. Et puis le soir, on les siffle et ils rentrent dans leur volière pour qu'ils soient à l'abri et qu'il n'y ait pas de prédation. Ça s'est mis doucement en place et très vite, ils ont décidé de passer au relâché d'oiseaux de quelques mois, donc 6 mois, 1 an. Et comme j'amenais ces oiseaux là-bas depuis très longtemps, bah, je suis tombé un peu amoureux de la zone, donc j'ai acheté une ferme en plein cœur de leur zone de nourrissage et de reproduction. Et le gouvernement andalou, les responsables du projet, m'ont demandé si ça me dérangerait d'avoir une volière chez moi. Enfin, disons qu'on se les proposait l'un l'autre. Donc ils ont installé cette volière de lâcher chez moi. On les laisse dans cette volière pendant quelques mois, octobre, novembre. Et à la première grosse pluie, les escargots se décollent, donc les ibis peuvent se trouver à manger. On ouvre la porte et les ibis sont libérés. Ce qui ne veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, parce que je vais vous donner un exemple. Sur 4 ans, il y a eu une prédation de grands-ducs. Il y a un couple de grands-ducs qui s'est installé près de la colonie reproductrice qui a prélevé les 24 jeunes de l'année plus 3 adultes. L'année suivante, donc alors qu'il y avait 100 oiseaux dans la nature, hein, l'année suivante, le vétérinaire a capturé tous les jeunes de l'année mis dans une volière pour les baguer. Parmi les animaux capturés, il y avait un animal qui avait une saloperie, genre salmonellose. Tous les oiseaux capturés sont morts, les 27. Entre les deux, là, il y a eu une bonne année où ça a bien marché. Donc on a remonté la population à une petite centaine. Et l'année suivante, c'est l'année où j'ai acheté la maison, ils sont allés boire dans une baignoire où il y avait un clostridium. Et il y a 35 oiseaux qui sont morts. C'est-à-dire que toute la colonie qui est à côté de chez moi, que je voyais tous les jours, ils sont absolument tous morts. Et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont demandé d'installer la volière chez moi, en fait. Et donc c'est pas simple, la réintroduction, la nature, c'est très beau, etc. L'an dernier, il y a eu 31 naissances dans la nature, 35 relâchés, 39 décès, je crois. Électrocution, tir, il y en a encore qui se font tirer par des chasseurs. Noyades, ils tombent dans des baignoires, ils ne peuvent pas sortir. Et les ailes cassées quand il y a des tempêtes. Donc voilà, la nature, c'est pas simple non plus. Et ça montre aussi toute la difficulté d'un projet comme ça. Là, je pense qu'on doit être à 120 individus en ce moment. C'est pas beaucoup. Hein. Depuis combien d'années? Depuis 16 ans, 2004. Ouais. Là, ils semblent très contents, mes copains, là, d'avoir ce refuge chez moi. Parce qu'effectivement, ils viennent dormir chez moi le soir. Ils dorment sur la volière. Il y a un soir, au mois de juin, il y en avait 70. Mais c'est incroyable, quand on voit l'escadrille passer le soir, c'est un vrai bonheur. On les voit rentrer le soir, c'est super, j'adore. Ils font 3 ou 4 tours au-dessus de la maison et hop, ils vont se poser sur la volière. Regarde! Vous voulez voir les orangs-outans? Oh, avec plaisir, ouais. Donc, la fameuse nénette. La fameuse nénette. Donc là, aujourd'hui, Nénette a 51 ans cette année. Nénette fait partie des derniers individus qui ont été capturés dans le milieu naturel. Ce qui fait quand même réfléchir, c'est qui me rend quelquefois un petit peu triste, c'est qu'elle a passé toute sa vie à la ménagerie du Jardin des Plantes, à regarder les visiteurs derrière une vitre. Michel Saint-Jalme, directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes. Je suis fier d'être directeur de la ménagerie. Je suis fier de présenter tous ces animaux au public et d'avoir cette mission d'éducation. Mais je suis toujours très troublé de voir les primates enfermés en captivité. Malheureusement, les orangs-outans, qui ont vécu en captivité et qui naissent en captivité, ne peuvent pas être réintroduits dans le milieu naturel. Déjà, les animaux qui vivent en sanctuaire, les bébés qui sont élevés au biberon pendant plusieurs années dans les sanctuaires dans le milieu naturel, quand ils les relâchent dans la nature, il y a des débats autour de ça, mais apparemment, il n'y en aurait pas beaucoup qui survivent. Quoi. Donc, pour pouvoir préserver les grands singes aujourd'hui, il faut préserver leur milieu. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, d'avoir ces animaux en captivité, ça nous rappelle ça tous les jours. On a conscience de ça. Quand on est directeur de zoo, on a conscience qu'on a des animaux en captivité. Mais on croit aussi en notre mission d'éducation, on croit en notre mission de conservation. Donc les orangs-outans, parce que ça a un temps de génération long, que les fondateurs sont là entre 1950 et puis 1970, qu'on a un inventaire complet de la généalogie, on a une population idéale qui détient aujourd'hui 99% de la variabilité génétique de l'espèce orang-outan est en captivité aujourd'hui. Sachant tout ce que ça demande comme énergie, comme investissement, etc., et avec des réussites qui restent hétérogènes, on est tous d'accord pour dire qu'il faut à tout prix prévenir et ne surtout pas faire de ces réintroductions l'argument qui permet aujourd'hui de se dire « la prise de biodiversité n'est pas grave, on sait réparer derrière, il suffit de relâcher trois trucs sur le terrain et on sait réparer ». Non, on sait réparer, oui, mais avec des enjeux forts d'investissement, etc., et puis des enjeux éthiques complexes, et il faut tout faire pour pouvoir s'en passer. Qu'est-ce qu'il faudrait pour régénérer leur habitat naturel ? On arrête de couper la forêt ? Oui. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement pour qu'on coupe la forêt ? Et où ? On substitue d'autres produits à l'huile de palme. L'huile de palme, elle est utilisée de plus en plus dans les biocarburants. C'est même plus pour l'alimentation humaine. Donc on a d'autres solutions. Le problème, c'est que l'huile de palme, c'est un pourcentage non négligeable de l'économie de Bornéo, Sumatra. Donc il faudrait qu'ils aient des ressources de substitution. Autrefois, quand on travaillait sur une problématique de réintroduction, on travaillait entre scientifiques et on regardait ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, les recommandations de l'IUCN par rapport à la mise en place de tous ces programmes de conservation, c'est de s'entourer de toutes les compétences. Et si on n'est pas entouré de toutes les compétences, on ne peut pas avancer. C'est des problématiques politiques, économiques, environnementales, sociales, tout fonctionne de pair et donc on ne peut pas aller l'un sans l'autre. Donc il faut aller ensemble. Et puis en plus, il faut avoir l'accord en fait, de la société. Il faut que la société ait envie d'aller dans ce sens. Donc c'est pour ça que ce n'est pas simple. Dans les années 2000, on a commencé à voir apparaître cette prise de conscience, du moins cette formalisation de nos besoins vis-à-vis de la biodiversité sous ce vocable de service écosystémique. Et cette émergence de la notion de service écosystémique, elle a été portée avec un argument tout à fait louable qui était de dire, quand on argumente sur la préservation de la biodiversité pour elle-même, personne ne nous entend, montrons aux décideurs, aux acteurs économiques, aux politiques, etc., à quel point notre économie et nos besoins sociaux, humains, etc., dépendent, y compris financièrement et économiquement, de cette biodiversité. Chiffrons ce que cette biodiversité nous apporte, alors qu'on a l'impression que c'est gratuit. Et on aura tous les leviers pour faire prendre les bonnes décisions. Bon, on arrive maintenant 15 ans à peu près après ce cri au effort et on commence à se rendre compte que si ça avait dû marcher instantanément, on devrait déjà l'avoir détecté. Or, c'est pas si évident que ça. Et c'est là où, bon, à titre personnel et avec un certain nombre de collègues, on réfléchit qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de penser le respect des autres formes de vie, d'éviter de leur marcher sur les pieds trop violemment, et qu'on doit montrer aux uns et aux autres que c'est vital pour eux de respecter ce qui les entoure, sinon c'est notre extinction qui pose problème. La nouveauté à l'échelle de ce que nous humains on prétend être sur cette planète, c'est peut-être d'être capable de penser le respect des autres pour eux-mêmes, au-delà de ce qu'ils nous rapportent. Alors une fois que ça c'est dit, reste à savoir comment on fait ça, et là, il y a la réalité du monde qui fait que nous, on est en train d'en parler tranquillement dans le jardin des plantes, avec un certain confort matériel, intellectuel, et sans trop de problèmes, alors qu'il y a des gens qui souffrent au quotidien, donc ça veut dire que c'est nécessairement un projet qui doit être collectif, qui doit être politique, qui doit être bienveillant vis-à-vis des populations, et voilà, c'est là qu'on rentre dans la complexité du monde et de la réalité de ces politiques. On voit pour le moment pas mal de mouvements autour de la question du réensauvagement et de remise en question de cette idée d'une emprise de plus en plus prégnante sur les animaux qui s'exerce sur leur corps, qui s'exerce au sein même de leur corps avec des prélèvements. On assiste à une remise en question et à une invitation à se retirer. Voilà, je pense qu'on a un tournant et j'ai pas la réponse à ces questions. Je vois se renforcer à la fois en interne ces programmes de conservation et leur dimension invasive sur les animaux, avec même l'idée que pour les espèces menacées, que chaque animal doit avoir un numéro, voire un nom, doit pouvoir être transféré en captivité, et que les populations en captivité et in situ ne formerait qu'une grande population qui serait appelée une métapopulation. Donc vous voyez le monde comme zoo. Je vois d'un côté cela et je vois d'autre côté des appels de plus en plus pressants, en particulier chez les jeunes générations qui semblent plus investies dans ces questions-là en faveur de la déprise et de la fin de l'arrogance finalement, en tout cas de la remise en question de cette arrogance humaine. Mais j'ai du mal à voir exactement de quelle emprise vous parlez, parce qu'il y a plusieurs choses. Je vois aussi des gens qui réfléchissent à la fois à ça et qui pourtant travaillent sur des programmes de réintroduction où il y aurait des bagages, des GPS et des choses comme ça pour suivre et pour comprendre un peu ce qui se passe au mieux, pour pouvoir peut-être aussi un jour lâcher tout ça. Mais il y a aussi des tas de gens qui travaillent sur des réintroductions et de la conservation qui se posent ces questions-là sincèrement et en même temps qui se disent « mais si on fait rien, en fait, ça va être encore pire, voilà ». Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je souligne ici, c'est des grandes polarités entre lesquelles se dessine tout un registre d'action. Et on peut voir des mêmes personnes, d'ailleurs, au cours de leur vie ou de leur engagement, parcourir cette échelle. Et je suis convaincue que ces acteurs réfléchissent aussi à leur pratique et à la portée de leur pratique. Mais il n'empêche que ce que vous décrivez, notamment, c'est quand vous dites « oui, on peut quand même faire quelque chose et si on ne fait rien, peut-être, mais ne rien faire, lâcher prise, c'est faire quelque chose. » Et mon optique, ce serait pas du tout de dire « il faudrait faire ci ou ça », ou vous voyez, ou encore une fois, diviser le monde en deux entre ce qui serait bien ou mal. Mais c'est de mettre en évidence ces tendances-là, qui sont des tendances historiques, en fait, qui traversent l'histoire des zoos, qui traversent l'histoire de la conservation, qui sont très, très lourdes, qui continuent, qu'on porte tous collectivement avec nous. Et auquel je pense il est capital de réfléchir et de réfléchir aussi ensemble. Je crois que là, le dialogue entre sciences humaines et sociales ou entre historiens et entre conservationnistes mériterait d'être plus poussé parce que peut-être que les historiens sont les seuls à pouvoir montrer que ces options-là sont encore une fois des constructions historiques. Voilà, on a là montré qu'on a là des options historiques, qu'il y avait d'autres options, qu'il y a toujours d'autres options. Mérite, je crois, dans ces temps de remise en question, y compris des politiques, de la forme de certaines politiques de conservation, d'être pris en compte et discuté collectivement. C'était « Sur l'Arche de Noé », un documentaire de Myriam Prévost, réalisé par Anne Pérez Franchini, avec François Sarrazin, Pierre Gay, Florine Vedlarski, Samuel Selinger, Michel Saint-Jalme et Violette Pouillard. Merci à Aurélie Guéry. Documentation, Antoine Villoz, Samantha Schmitt et Annie Signoret. Prise de son, Frédéric Cairou. Mixage, Bernard Laniel. Coordination, Marie-Vonne Abolivier et Perrine Kervran. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Thoiry, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter au bon moment, il y a le podcast sur l'application Radio France. Et pour se parler, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, dernier épisode, peut-on enfermer les animaux ? Mais en attendant, restez à l'écoute. Téléchargez l'application Radio France pour découvrir. Écoutez des milliers de podcasts et toutes vos radios en direct.